apprennent que les poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Buenos días, me llamo Andrés, tenemos Miguel al control técnico, esto es la chanson. Le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la. Este mes de febrero es el mes de Andalucía por excelencia y es la ocasión para ver qué huella ha dejado Andalucía y también España en la canción francesa y si lo que se dice de ella corresponde a la realidad o más bien es tópicos. Vamos a empezar por la más famosa de estas canciones que todos los españoles conocemos, Carmen, de Georges Bizet. Compuso su ópera en el año 1875, basándose en la obra del mismo nombre del escritor francés Prosper Mérimée, del año 1845. A su vez, este encontró su inspiración en el transcurso de un viaje a España en 1830, donde conoció, por cierto, a Eugenia de Montijo, quien dice que fue ella que le dio la historia, que se convirtió en su amiga del alma y sobre todo en emperatriz de los franceses cuando se casó con Napoleón III. Mérimée, como todos los viajeros románticos, quiso dar color local a su obra y buscó el máximo contraste con su cultura francesa. Carmen, gitana, indomable, es el prototipo de femme fatale que pierde por amor a Don José. El personaje de Carmen se ha vuelto universal y ha conformado el imaginario de lo femenino andaluz en Francia. El amor es hijo de bohemia, nunca supo de leyes. Si no me quieres, te quiero, y si te quiero, ten cuidado. Escucharemos la magnífica versión de María Callas del año 1964. Je t'aime pendant Escalofríos, ¿verdad? Bueno, seguimos con el primer éxito de una cantante que se hizo llamar Rina Ketty, que triunfó en el registro cantante exótica y sentimental, aprovechando su acento italiano de origen. El tema se llama Sombrero e Mantille y es del año 1938. Este paso doble mezcla, como no, sombreros, mantillas, fandangos, seguidillas, Carmen, Figaro y Andalucía rima con poesía y Granada con serenata, es decir, tópicos por un tubo. Escuchamos ese exitazo en Francia, Sombrero y Mantille del año 1938. Je revois les grands sombreros et les mantilles. J'entends les airs de fandangos et seguidilles que chantent les señoritas si brunes quand lui sur la plaza la lune. Je revois dans un boléro sous la charmille des Carmen et des Figaro dont les yeux brillent. Je sens revivre dans mon cœur en dépit des montagnes un souvenir charmeur ardent comme une fleur d'Espagne. (Musique) lune. Je revois dans un boléro sous les charmilles des Carmen et des Figaro dont les yeux brillent. Je sens revivre dans mon cœur en dépit des montagnes un souvenir charme ardent comme une fleur d'Espagne. Olé, seguimos en la misma vena tópica con Jardín d'Andalousie, Jardines de Andalucía, interpretada por María Candido en el año 1956. Esta mujer sigue viva porque tiene 93 años, pero ya ha dejado de cantar. Es una soprano que se especializó en las operetas, teniendo éxito entre los años 50 y 80, como por ejemplo en La Jamaica o El amor en Tahití. Dice, en estos jardines sus ojos negros ardían de celos, un canto de guitarra lloraba toda su melancolía, tomé su corazón, tomé su boca. Andalucía, como veis, rima con poesía y celos en francés en más de una canción. Escuchamos Jardín d'Andalousie de María Candido del año 1956. Escuchar ahora todo un clásico, La Belle de Cadix, La Bella de Cádiz, que Luis Mariano creó en el año 1945. Es un cantante español porque nació en Irún, pero vivió en Francia, país que lo considera como francés, y es conocido como el príncipe de la opereta. Seguimos en las mismas de la mujer inasequible. La Bella de Cádiz tiene ojos de terciopelo y os invita al amor, pero la Bella de Cádiz, a pesar de sus numerosos pretendientes, no quiere amante. Después de bailar toda una noche, entró en el convento. Aquí, en esta canción, escuchamos las palabras caballeros, posada, hidalgos, matador y, claro, como no, seguidilla. Escucharemos la versión de la película del mismo nombre que rodó en 1953 con Carmen Sevilla. ¿Quelqu'un? Ah, ¿y cómo es él? ¿Vous voulez vraiment le savoir? Pourquoi pas? La belle de Cadix a des yeux de velours. La belle de Cadix vous invite à l'amour. Les caballeros sont là, si dans la posada, on apprend qu'elle danse. Et pour ses jolis yeux noirs, les hidalgos le soir viennent tenter la chance. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadiz ne veut pas de l'amant. Tchika tchika tchik, aïe aïe aïe, tchika tchika tchik, aïe aïe aïe, tchika tchika tchik, aïe aïe aïe, ne veut pas de l'amant. La belle de Cadix a des yeux langoureux. La belle de Cadix a beaucoup d'amour. Juanito de Cristobal, tu es bien son rival, soir au clair de lune. Et Pedro le matador, pour l'aimer plus encore, donnerait sa fortune. Malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas de l'amant. Tchika tchika tchik, aïe aïe aïe, tchika tchika tchik, aïe aïe aïe, tchika tchika tchik, aïe aïe aïe, ne veut pas de l'amant. La belle de Cadix est partie un beau jour. La belle de Cadix est partie sans retour. Elle a dansé une nuit dans le monde et le bruit toutes les séguillas. Et par un beau clair matin, elle a pris le chemin qui menait à Santodilia. Et malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix est entrée au couvent. Tchika tchika tchik, aïe aïe aïe, tchika tchika tchik. Aïe, aïe, aïe, tchika, tchika, tchik, aïe, aïe, aïe. Tchika, tchika, tchik, aïe, aïe, aïe. Eso se ha quedado también en la memoria colectiva francesa. Seguimos con un tema de nuestro amigo Joe Dassin, Taka, Takata, del año 1972. Merece una traducción literal por el acúmulo de barbaridades sobre nuestra cultura tan maltratada por los franceses. Dice, se servía sangría en la feria de Toledo. La chica que bailaba me había vuelto loco cuando un banderillero me dijo, cuidado con el torero cuando mires a su mujer. Pero se va hacia mí, es decir, ella, y me propone una cita en la hacienda. Estábamos enlazados bajo el naranjo cuando el matador, engañado, dijo, vas a pagar, mis picadores están listos, y el ojo negro te mira. En fin, Taka, Taka, Taka, de Joe Dassin, del año 72. Thank you. Dassin chante Taka Takata. La sangria de boulet à la ferrière de Tolède. La fille qui dansait m'était montée à la tête. Quand un banderillo me dit l'ami, reste calme. Car au grand torero, si tu regardes sa femme, mais elle s'avance vers moi et laisse tomber sa rose. Avec un billet qui propose un rendez-vous à l'hacienda. On s'était enlacé sous l'oranger, mais la duenna, dont c'était le métier, criait vengeance aux arènes. Le matador trompé surgit de l'ombre et s'avance. Moi sur mon oranger, j'essaie de faire l'orange. L'homme, tu vas payer, dit-il, voici l'estocade. Mes picadors sont prêts et mon œil noir te regarde. Et c'est depuis ce jour qu'un torero me condamne à balayer sa cour pour l'avoir faite à sa femme. De ses pas. Taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka. Seguimos con una joven cantante de 34 años. Él, que se traduce como L, es su nombre artístico y es la inicial de su apellido. Hizo sensación en 2011 con su álbum inicial, que contiene este tema, Jalouse, celosa, que vamos a escuchar ahora, que obviamente, ¿con qué va a rimar? Pues con andaluza. Celosa, celosa de las flores y del viento, de las danzas andaluzas, de la que me toma tu corazón un momento. Las miradas enamoradas de tus ex amigas, la bulla que ha visto que me cogías de la mano cuando te llevaba lejos. Jalouse de él del año 2011. Jalouse, jalouse de fleurs et du vent, des danses andalouses et des goélands. Jalouse, jalouse comme les enfants de ceux qui me prend ton cœur un instant. Cet oiseau de passage qui chante et qui est sourd vient les soirs d'orage pour te parler d'amour. Ce brillant dans tes yeux que t'allumes parfois pour un rien, pour un jeu que j'allume moi. Ces femmes qui te maquent d'un mouvement de hanche parce qu'elles ont lu dimanche écrit dans leur zodiaque la nuit des bleus pétrole qu'on passe aux aveux. Ces filles dont les feux ne brûlent qu'à l'alcool. Jalouse, jalouse des fleurs et du vent, des danses andalouses et des goélands. Jalouse, jalouse comme les enfants de ce qui me prend n'as pas vu que tu tenais ma main et qui me mène quand elle t'emporte au loin. Jalouse, jalouse de fleurs et du vent, des danses andalouses et des goélands. Jalouse, jalouse comme les enfants de ce qui me prend. La canción que vamos a escuchar a continuación pertenece al primer álbum salido en el 2014 de Kenji Girac. Se ha vendido a nada más y nada menos que 1 millón de ejemplares hasta la fecha. Fue ganador de la tercera edición de The Voice, lo que le dio a conocer. Nació en Francia, pero su familia paterna es gitana de Cataluña, lo que se nota en su estilo musical. Andaluza, como no, es el título de este tema, cuando él no tiene nada que ver con Andalucía. Dice, tú, mi bella andaluza, tan guapa como celosa, otra vez, cuando bailas el tiempo se para, pierdo el norte, pierdo la cabeza, vienes a bailar al son de la guitarra, tus caballos negros, tus labios rojos, aires de oriente, mirada de ébano, me tienes loquito. En resumen, más de lo mismo. Andaluz de Kenji Girac del año 2014. Don't you Vamos a darle una vuelta al tema con las dos canciones siguientes y cambiar de tercio, nunca mejor dicho. Ya hemos visto aparecer el tema del toreo en tres de las canciones que acabamos de escuchar. Es un tema en el que han profundizado dos cantantes. El primero se llama Francis Cabrel. No lo hemos escuchado hasta ahora, pero es toda una institución en Francia. Es un personaje singular, porque a pesar de su tremendo éxito, sigue viviendo donde siempre vivió, en un pueblecito del sur de Francia, llegando a ser concejal del mismo. Se caracteriza por su letra entre poética y profunda y su acento del sur, muy reconocible. A pesar de mantenerse alejado del show business, habría vendido la friolera de 21 millones de discos en algo menos de 40 años de carrera. Vamos a escuchar la corrida del año 1994. Es una canción muy original porque se mete en la piel del toro. Dice: espero. En este espacio oscuro escucho que se divierten y cantan. Al principio pensé que solo tenía que defenderme. Ya pronto acabaré con esta bailarina ridícula, habla del torero. No voy a temblar delante de este pelele. No he aprendido a luchar contra muñecas. Esta noche la mujer del torero dormirá sobre sus dos orejas. Andalucía, me acuerdo. Y repite, ¿es este mundo serio? Que se ha convertido en una frase de culto que se ha usado en otras obras artísticas para llamar a la sensatez frente a una absurdez evitable. Escuchamos entonces la corrida de Francis Cabrel del año 1994. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu des fanfares, des barrières et des gens autour. J'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Je me souviens des prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Ce monde est sérieux. J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leur ballerine. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leur costume de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées.

guitares jouent des sérénades que j'entends sonner comme un tocsin. Mais jamais je n'atteindrai Grenade, bien que j'en sache le chemin. Dans ta voix galopaient des cavaliers, et les gitans étonnés levaient leurs yeux de bronze et d'or. Si ta voix se brisa, voilà plus de 20 ans qu'elle résonne encore. Federico Garcia, voilà plus de 20 ans, camarade, que la nuit règne sur Grenade. Il n'y a plus de prince dans la ville pour rêver tout haut, depuis le jour où la Guardia Civile t'a mise au cachot. Et ton sentier d'enquête de l'aurore s'apprête déjà. J'entends monter par de longs corridors le bruit de leurs pas. Et voici la porte grande ouverte, on t'entraîne par les rues désertées. Ah, laissez-moi le temps de connaître ce que ma mère m'a donné. Mais déjà, face au mur blanc de la nuit, tes yeux voient dans un éclair les champs d'oliviers endormis. Et ne se ferme pas devant l'âcre lueur éclatant du fusil. Federico Garcia, les lauriers ont pâli, camarades. Le jour se lève sur Grenade. Dure est la pierre et froide la campagne, garde les yeux clos. De noirs taureaux font mugir la montagne, garde les yeux clos. Et vous gitans, serrez bien vos compagnes au creux des lits chauds. Ton sang inonde la terre d'Espagne, ô Federico. Les guitares jouent des sérénades dont les voix se brisent au matin. Non, jamais je n'atteindrai Grenade, bien que j'en sache le chemin. Seguimos con el mismo tema de la represión franquista, con el título de Leo Ferré, Franco, la muerte, del año 1964. Ya no es la hora del flamenco deshonorado, Mr. Franco. Vivimos la hora de los cuchillos, es la hora de Grimaud. Julián Grimaud había sido ajusticiado el año anterior a pesar de una movilización internacional. Te casaste con la parca para mejor joder a los camaradas, que venga el tiempo de las poesías que te sacarán de tu cama cuando nuestros cuchillos aniden en el corazón de tu última noche. Franco, la muerte, de Leo Ferré, del año 1964. L'heure n'est plus au flamenco, déshonoré Mister Franco. Nous vivons l'heure des couteaux, nous sommes à l'heure de Grimaud. Que t'importe les procédures qui font des ombres sur le mur quand le bourreau bat la mesure. Franco la muerte. Tu t'es marié à la Camarde pour mieux baiser les camarades, les anarchistes qu'on moucharde pendant que l'Europe bavarde. Qu'importe si l'Espagne est morte, entends la mort devant ta porte, c'est Grimaud qui te la rapporte. Franco la muerte. Tu couches avec une Pénélope qui tisse un suaire en bas de l'Europe sur cette Espagne que tu stoppes en attendant qu'elle te chope. L'important pour toi, c'est que ça dure. Toi, tu fais pas de littérature, t'es pas Lorca, t'es sa rature. Franco la muerte. Vienne le temps des poésies qui te videront de ton lit, quand nos couteaux feront leur nid au cœur de ta dernière nuit. Vamos a despedir ese programa con el tema L'Espagne, España, del año 1975 de Bernard Lavillier, en el que critica básicamente la falta de conciencia de los turistas franceses en la España de aquella época. Hay un río de sangre detrás de tu sombrilla, sobre tus postales chasquean los fusilamientos de los condenados a muertes que se revuelcan en tus olas. Las almas en el exilio y los reos muertos en el calabozo no molestarán estos cretinos con el cerebro al helado, derritiéndose bajo los sombreros. En fin. Bueno, nos vemos como siempre cada segundo lunes de mes, creo que es el 14 de marzo, y os dejo con esta canción, L'Espagne, de Bernard Lavillier, del año 75. Constellée pour y finir ses rôles. Des plages un peu privées pour de vieux polissons. La misère pittoresque, la misère si drôle. Qu'on écoute chez soi, sur son micro-sillon. Des étudiants vivants qui sentent la potence. La vérité qui ne tient jamais qu'à un fil. Et puis la peur du feu et de la délivrance. 36 ans de cachot vous font les yeux fragiles. Je parlais un peu de l'Espagne. Y a un ruisseau de sang, derrière ton parasol, un rebelle anonyme glisse sous les arcades. Palomita mia del mio corazon, sur tes cartes postales, claque des fusillades. Des condamnés à mort qui roulent dans tes vagues, des poètes affamés qui saignent leurs chansons, des touristes fleuris comme des promenades, roses bleues. Elles comptent leurs additions. Et le français moyen, se sentant enfin riche, achève son décor rustique et ses galons. Sur la desserte horrible, il cloue entre ses biches un vilain Christ noir à tête de porc. Âmes exilées qui craignent ton exil,